Chapitre 23e. L'examen de conscience. Pendant qu'avait lieu au chalet la scène que nous venons de raconter, d'autres événements s'accomplissaient au château des Abîmes. Le juge de paix, on s'en souvient, avait prévenu la gendarmerie et envoyé un express au parquet du chef-lieu pour l'informer qu'un assassinat avait été commis sur la personne de Mademoiselle de Lavernay. Le juge d'instruction, accompagné d'un greffier et d'un médecin chargé des constatations légales, s'était immédiatement rendu par le chemin de fer à Rumilly, où une sorte d'omnibus devait les conduire sur le lieu du crime. À Rumilly, un officier de gendarmerie avait fait atteler un char à bancs destiné à transporter Brigitte et donner l'ordre à deux de ses hommes de s'y installer. Les deux voitures se mirent en route, escortées par l'officier à cheval. Lorsqu'elles traversèrent le village de Saint-André, les habitants se mirent aux fenêtres ou sur le pas de leurs portes, regardant avec terreur ce cortège imposant. À la sortie du village, les deux voitures prirent le chemin rocailleux qui menait au château. Ce fut Maurice de Lavernay qui vint recevoir le magistrat chargé de diriger l'instruction. Ce dernier lui exprima tout son regret d'avoir à accomplir sa rigoureuse mission sous le toit paternel. « Faites votre devoir, monsieur, » lui répondit Maurice en le conduisant dans la chambre mortuaire. Cette chambre était telle que nous l'avons laissée et la morte étendue sur son lit. Le greffier plaça sur la table tout ce qu'il fallait pour écrire et reproduire textuellement le nouvel interrogatoire que Brigitte allait subir. Le juge d'instruction s'assit et donna ordre qu'on amenât la vieille servante. Elle parut bientôt conduite par les deux gendarmes. Elle conservait le calme farouche qu'elle avait montré devant le juge de paix. Cependant, un observateur aura pu remarquer sur son visage une résolution plus arrêtée. Nous ne reproduirons pas ce second interrogatoire qui ne fut que la répétition du premier. Le magistrat eut recours, mais inutilement, à toutes les ressources et à toutes les finesses de sa longue expérience pour l'amener à se contredire. À toutes les questions, elle répondit invariablement qu'elle était innocente et qu'elle ignorait comment avait été commis le crime et qui avait pu le commettre. « Nous n'obtiendrons rien de cette malheureuse, » dit le juge d'instruction au baron de Lavernay et au juge de paix qui assistait à l'interrogatoire. « Elle ne parlera point. » Mais ce Jorel tressaillit, mais il ne répondit pas. Le coupable était devant lui, mais la promesse qu'il avait faite au docteur Cavarox le condamnait pour le moment au silence. Les yeux tournés vers le baron, il semblait attendre de lui un aveu qui n'arrivait point. Quant au vieux gentilhomme, il se borna à dire, et cela sans qu'aucune émotion ne vint trahir le trouble de son âme, qu'il ne s'expliquait point les motifs qui auraient pu déterminer Brigitte à assassiner sa maîtresse. L'interrogatoire achevé, le juge d'instruction le fit lire à haute voix par le greffier. Puis cette formalité remplie, il dit à Brigitte de mettre sa signature au bas du procès-verbal. « Je ne sais ni lire ni écrire, » répondit la vieille servante. « Mention sera faite de cette déclaration, » reprit le magistrat. Il donna alors l'ordre d'emmener la prévenue. Brigitte, qui jusqu'à ce moment était demeurée impassible, fut tout à coup prise d'une violente émotion. « Monsieur le juge, » dit-elle en fondant larmes, « j'ai une prière à vous adresser, une prière que je vous supplie d'exaucer. »« Quelle est cette prière ?» répondit le magistrat. « Voyez-vous, monsieur le juge, mademoiselle Athénaïs ne me traitait pas en servante. J'étais pour elle une amie, presque une sœur, et pour elle, je redonnais jusqu'à la dernière goutte de mon sang. Où voulez-vous en venir ? Je vous demande en grâce de me permettre de suivre son cercueil et de pouvoir m'agenouiller sur sa tombe. Oh, ne craignez pas que je cherche à m'enfuir. Vous me ferez entourer de gendarmes, et je marcherai, si vous leur donnez, les mains enchaînées. » M. Jorel, en entendant ces mots, détourna la tête et essuya furtivement une larme. « Je ne puis vous accorder cette permission, » dit le juge d'instruction. Brigitte, repoussée par le magistrat, s'adressa alors au baron. « Monsieur le baron, vous savez bien, vous, que je ne puis être coupable et que j'ai le droit de marcher derrière le cercueil de votre sœur. Intercédez donc pour moi auprès de monsieur le juge, il vous accordera peut-être ce qu'il m'a refusé. » « Mais malheureuse femme, » reprit le magistrat, « si j'avais la faiblesse de consentir à ce que vous me demandez, tous les gens de ce pays, qui adoraient votre maîtresse, n'auraient point assez de malédictions à vous jeter au visage, et de leur indignation, ils vous mettraient en pièces. Mourir pour mourir, que m'importe ?» murmura Brigitte d'un air sombre. Mais une telle mort ne serait point l'expiation que veut la justice. C'est l'échafaud qui vous réclame, l'échafaud avec l'infamie. » Brigitte, à ce dernier mot, se dressa de toute sa hauteur et promena autour d'elle ses regards pleins d'éclairs. Puis elle entr'ouvrit la bouche comme si elle voulait parler. Le juge d'instruction avança la tête afin de bien entendre ce qu'elle allait dire. Le juge de paix, pensant qu'elle allait enfin dénoncer le coupable, sentit sa poitrine se dégager du poids qui l'écrasait depuis le commencement de l'interrogatoire. Monsieur de Lavernay frissonna. Cependant, la vieille servante gardait le silence. « Parlez donc, » lui dit le juge d'instruction, « vous vouliez dire quelque chose. » Brigitte fit un pas vers le baron, le regarda pendant 7 à 8 secondes, puis, s'arrêtant devant lui, « Monsieur le baron, » dit-elle d'une voix entrecoupée de sanglots, « vous êtes prêt pour moi, n'est-ce pas, de l'eau bénite sur la tombe de ma chère maîtresse ? Moi, pendant ce temps, je prierai le bon Dieu pour le repos de son âme. » Lorsque la duchesse de Valombreuse revint au château, après son entrevue avec Flavia, le juge d'instruction autorisait le baron à faire procéder à l'inhumation de sa sœur. La cérémonie mortuaire, vu l'heure avancée, avait été remise au lendemain. Le lendemain matin, à 8 heures, le cortège était en route et les cloches de Saint-André envoyaient aux échos des gorges du Fier les notes du glas funèbre. Mademoiselle de Lavernay était adorée par le pays. En effet, s'il était avare pour son frère et pour elle-même, les pauvres et les malades trouvaient toujours sa main ouverte. Aussi était-on accouru de toutes parts pour assister à ses funérailles. Derrière le corps, porté par 4 robustes montagnards, se déroulait, comme un interminable serpent, la longue file des paysans des communes de Saint-André, Sion et Rumy. Les curés des 3 paroisses marchaient en tête du cortège et de distance en distance étincelaient au soleil lors des bannières paroissiales agitées par le vent. Le deuil était conduit par le baron de Lavernay, par son fils et par la duchesse de Valombreuse, vêtue de noir. Les enterrements à la campagne sont ordinairement, suivant l'heure à laquelle ils ont lieu, suivis ou précédés d'un copieux repas présidé par les plus proches parents du mort. Cet usage a sa raison d'être. Les habitations, pour la plupart du temps, sont très distantes les unes des autres, et il devient indispensable de pourvoir aux besoins matériels des gens qui font souvent 5 ou 6 lieues pour rendre défunt les derniers devoirs. Mais rien de semblable n'eut lieu aux funérailles de Mademoiselle de Lavernay. Cette dérogation aux habitudes traditionnelles trouve son explication dans les circonstances particulières qui avaient accompagné sa mort. Nous n'entrerons pas dans les divers détails qui précèdent la descente du cercueil dans la fosse et nous laisserons la foule se disperser par petits groupes lorsque tout fut achevé. Le baron, Maurice de Lavernay et la duchesse de Valombreuse sortirent les derniers du cimetière. Maurice offrit son bras à la duchesse pour rejoindre la grande route où attendait la voiture de son père. Le retour fut silencieux et morne, et lorsqu'ils furent arrivés au vieux manoir, tous les 3, par un consentement tacite et comme s'ils craignaient de se communiquer leurs douloureuses impressions, regagnèrent chacun sa chambre. Au moment où le baron allait prendre congé de Madame de Valombreuse, elle le retint. « J'ai à vous parler, » lui dit-elle à voix basse. « Venez me trouver dès que vous aurez quitté Maurice. » Elle entra dans sa chambre où le vieux gentilhomme la rejoignit presque aussitôt. Le baron de Lavernay fut frappé de l'air solennel avec lequel elle le reçut. « Il s'agit donc de choses bien graves, » dit-il en voyant la duchesse fermer la porte au verrou. « De choses très graves, » répondit-elle. « Nous allons agiter ensemble la question de notre mort. »« De notre mort, » fit monsieur de Lavernay en reculant. « Soyez calme, baron, » et traitons ce sujet avec toute la gravité qu'il comporte. » Dominé par l'accent impérieux de son interlocutrice, le vieux gentilhomme se laissa tomber sur un siège en la regardant avec effarement. Le visage de la duchesse était impassible, et dans ses grands yeux noirs se lisait une inébranlable résolution. « Parlez, madame, » fit le baron. « Vous avez assassiné votre sœur, » lui dit-elle brusquement. Il voulut protester, d'un geste imposant, elle lui ferma la bouche. « Puisque vous m'y forcez, je vous raconterai toutes les circonstances du crime. » Monsieur de Lavernay devint livide. « Vous étiez ruiné, » poursuivit Madame de Valombreuse, « et pour rétablir en partie votre fortune, vous avez assuré la vie de votre sœur, et c'est vous-même qui l'avez dit devant moi à votre fils. Mais ce que vous êtes bien gardé de dire, c'est que vous espériez que Mademoiselle de Lavernay mourrait bientôt. Elle s'est obstinée à vivre, et vos ressources personnelles s'épuisaient à mesure que sa santé se raffermissait. Est-ce vrai? Tout cela ne prouve point que je me sois rendu coupable du crime abominable dont vous m'accusez, balbutia le baron. Laissez-moi achever, répondit froidement la duchesse. En assassinant votre sœur, vous n'aviez point seulement pour but de recevoir la grosse prime que devait vous compter la compagnie d'assurance, vous pensez encore réaliser un bénéfice énorme en vendant votre château au riche américain qui s'est fixé depuis peu dans ce pays. Comment savez-vous cela? Murmura le vieux gentilhomme atterré. Cet américain, continua madame de Vallombreuse, vous a offert 200 000 francs du château, mais avec cette condition que le marché, sous peine de nullité, serait conclu dans le délai de 2 mois. Or, ces 2 mois expirent demain. Sir John Colfax vous aurait dit, c'est Maurice qui le tient de Brigitte. Sir John Colfax et sa prétendue fille sont mes ennemis mortels, et les vôtres. Les miens? S'écria monsieur de Lavernès stupéfait. Maintenant, faut-il vous raconter comment s'est accompli le meurtre, comment vous avez endormi Brigitte, et comment Brigitte, une fois endormie, vous avez donné la mort à votre pauvre sœur? Mensonge que tout cela, interrompit le baron, qui respirait à peine. Démentirez-vous la mort qui a imprimé votre image sur les yeux de votre victime? Répliqua la duchesse. Mon image? Oui, je l'ai vue. C'est donc pour cela que le docteur Cavarox avait photographié le cadavre, murmura le vieux gentilhomme comme en se parlant à lui-même. C'est pour cela, dit madame de Vallombreuse, et sans aucun doute il la produira en justice afin que la compagnie d'assurance. Je renoncerai à la prime. Reprit monsieur de Lavernay d'une voix presque éteinte. Cela ne suffira point, répondit la duchesse. Il existe une seconde épreuve de cette photographie. Le juge de paix l'a entre les mains, et il est bien résolu à ne pas laisser condamner Brigitte. Mais je suis perdu. La mort seule peut vous sauver de l'échafaud, mais il faut avant tout songer à votre fils et le préserver de l'infamie. Oui, oui, murmura le baron. Vous allez sur le champ formuler par écrit votre renonciation à la prime d'assurance. La compagnie, une fois dégagée de tout remboursement, n'aura aucun intérêt à vous dénoncer. C'est vrai, reprit le vieux gentilhomme, mais le juge de paix. Votre crime expié, la justice satisfaite se bornera à mettre Brigitte en liberté. Monsieur de Lavernay écrivit sa renonciation à la prime. La duchesse prit la lettre et se chargea de la faire parvenir à destination. Maintenant, baron, dit-elle, il nous reste à arrêter le genre de mort que nous choisirons. Lorsque le baron se fut un peu remis de l'épouvante que lui avaient causées les paroles de madame de Vallombreuse, il leva la tête et oublia un moment l'horreur de sa situation. « Pourquoi donc voulez-vous mourir, madame ?» lui demanda-t-il. « Parce que moi aussi, j'ai tué, » répondit-elle d'une voix sombre. « Tuer, vous, madame la duchesse ?»« Non, pas le corps, comme vous, mais l'honneur. Il y a 4 ans, dans un transport de jalousie, j'ai fait condamner, comme empoisonneuse, une jeune fille innocente. » L'institutrice d'Ève et de Marcel. Flavia Morin, aujourd'hui Miss Colfax. Miss Colfax, qui a juré de se venger, et qui, ne pouvant m'atteindre, veut me frapper dans le bonheur de mes enfants, et c'est pour les arracher à sa furie vengeresse que je vais mourir. Mais c'est elle aussi qui m'a poussé au crime, en m'offrant 4 fois plus que sa valeur de notre vieux château, s'écria le baron. Maurice, qui le croyait coupable, a demandé et obtenu sa condamnation, et il s'est vengé sur vous de votre fils. Vous le voyez, nous n'avons plus d'autre refuge que la mort. La mort ? Répéta monsieur de Lavernay en frissonnant. Une mort dont la cause ne pourra être suspectée, reprit la duchesse, et qui préviendra les malheurs et la flétrissure qui attendent nos enfants, si nous avions la lâcheté de vouloir vivre quelques jours de plus. Oui, fit le baron, un double suicide qui a toutes les apparences d'un accident. Mais quel genre de suicide ? La duchesse se recueillit pendant quelques instants, puis elle répondit. Parmi les curiosités naturelles de la Haute-Savoie, il en est une dont vous m'avez parlé autrefois, les gorges du Fier. En effet, madame, il existe, si mes souvenirs ne me trompent pas, une galerie du haut de laquelle les touristes peuvent apercevoir les eaux mugissantes du torrent. Oui, cette galerie, élevée de 80 mètres au-dessus du lit du Fier, est soutenue par des barres de fer scellées au rocher. De sorte que si l'on tombait de cette galerie, la mort serait certaine, elle serait foudroyante. Eh bien, ce genre de mort que nous cherchons, le voilà tout trouvé, dit froidement madame de Vallombreuse au baron. Il est impossible, répondit ce dernier, car personne ne croirait à un accident. Comment cela? Les barres de fer qui entourent la galerie sont d'une solidité à toute épreuve, et si l'on se sentait pris de vertige, la balustrade préserverait de toute chute. Mais on scie en deux des barreaux sur lesquels s'appuie le plancher de cette galerie. Certainement. Mais comment le scier, puisque les deux extrémités de la galerie sont fermées par des portes de fer et qu'on ne peut pénétrer dans l'intérieur qu'avec des billets et accompagné d'un gardien? C'est une difficulté, en effet. Cependant, ne pourrait-on pas arriver à la galerie par l'orifice extérieur de la fissure? Oui. En attachant une corde à l'un des arbres qui ont poussé au-dessus de l'abîme, on descendrait sur la galerie. C'est ainsi du reste que les ouvriers qui l'ont construite ont pu exécuter ce travail vertigineux. Seriez-vous homme à opérer cette descente? Je suis un chasseur, madame, et cette descente sera pour moi un jeu d'enfant. Il ne restera alors plus qu'à scier deux barreaux, dit la duchesse, mais avec de bons instruments la chose sera facile. Le baron hésita d'abord à répondre, mais en voyant la duchesse calme et résolue, il s'indigna bientôt contre lui-même et eut honte d'être dépassé en courage par une femme. « Ce que vous me demandez, dit-il, madame, sera fait cette nuit même. »« Très bien, dit madame de Valombreuse, et pendant que vous irez là-bas faire les préparatifs de notre mort, moi je prendrai mes dispositions dernières. »« À demain donc, baron. »« À demain, madame la duchesse, répondit d'une voix ferme ceux de la Bernaye. »